إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، في الدرس الماضي أخذنا ما يتعلق بالمناقشة مع أهل الباطل، وكيف يعني كيف يكون المسلك الصحيح للوصول إلى رد عليهم. On a appris comment s'engager dans un débat avec les gens du faux et la voie à suivre pour pouvoir y parvenir. Donc après ça, là, le Mu'allif va commencer à entrer dans le vif du sujet du kitab qui est Keshf al-Shubuhat, qui est comment dissiper justement et dévoiler et démontrer les ambiguïtés de ces gens-là et comment leur répondre. فقال رحمه الله تعالى فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Donc il dit que la réponse à donner aux gens du faux, cela se fait de deux façons. Une façon mujmel, c'est-à-dire générale, globale, voyez, mufassal, de façon détaillée. La façon globale qui est la mujmel, c'est celle qui apporte beaucoup de faïda pour celui qui la comprend. Vous voyez, c'est-à-dire elle répond à beaucoup de questions, elle répond à beaucoup de questions en une seule réponse, mais qui est très large. C'est pour cela que là, dans le sens, il dit, c'est celui qui a fait descendre sur toi le livre, et parmi lui, ou parmi ce livre, des versets clairs, murkamat, c'est-à-dire des versets clairs, qui n'ont pas été abrogés, qui sont effectifs. Et ceux-là sont la mère du livre, les bases du livre. Et d'autres, mutashabihat, c'est-à-dire qui se ressemblent, et ceux qui ont une maladie dans le cœur, eux, ils suivent les versets à équivoque. Et cela par recherche de la fitna, ou par recherche de son interprétation. Et nul ne connaît son interprétation, ce n'est Allah. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يعني cita que l'auteur a bien répété ce que l'auteur a dit par rapport à la façon de répondre aux gens du faux qui est الجواب المجمل والمفصل. فقال احدهما مجمل عام صالح لكل شبهات. Donc c'est une réponse qui est globale, voyez, générale, et qui répond à toutes les shubuhat, c'est-à-dire quel que soit le domaine dans lequel tu veux rentrer pour pouvoir mettre les gens dans la confusion. Ces réponses-là elles peuvent répondre dans la aqida, elles peuvent répondre dans le fiqh, elles peuvent répondre même dans le nahw, dans différents domaines, elles peuvent répondre avec une seule et même réponse. Et ça, c'est la mujmal. Wa al-mufassal wa akadha yanbaghi li ahli al-ilm fi bab al-munazarati wa al-mujadalati an yatu bi jawab mujmal hatta yashmila ma yahtamilu أن يرده الملبسون المشبهون ويأتي بجواب مفصل لكل مسألة بعينها ثم ذكر الآية. Donc il a dit, après c'est la réponse détaillée. Il a dit c'est comme ça que toute personne parmi les gens de science, lors des débats, tamam, c'est comme ça qu'il doit s'y prendre. C'est-à-dire il vient en premier lieu avec une réponse générale, et cette réponse générale va inclure l'ambiguïté exposée par son opposant. Donc en premier lieu, il répond de façon générale, et par la suite, il prend la réponse détaillée pour chaque mas'ala. Par exemple, si quelqu'un vient à débattre et dit « oui, mais il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela », lui avec une seule réponse pour toutes ces questions. Et par la suite, il fait question par question. C'est pour cela que l'auteur, dans cette réponse mujmel, il dit que ces gens-là, justement, « allazina tabi'una mutashabih, humul lazina fi kulubim zayrun » كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Que ces gens-là, justement, qui ont une maladie dans le cœur et de la déviance dans le cœur, eux, ils cherchent les versets à équivoques, les choses ambiguës. Et ceux-là, ce sont ceux qui ont le cœur malade, comme l'a déjà indiqué le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. قبض الحديث. قال ولهذا تجد أهل الزيغ والعياذ بالله يأتون بالآيات المتشابهات ليلبسوا بها على باطلهم، فيقول مثلا قال الله تعالى كذا وقال في موضع آخر كذا، فكيف يكون؟ Il dit, c'est pour cela que tu vois les gens qui ont une déviance dans le cœur, ou les azu billah, ils viennent avec les versets équivoques pour pouvoir recouvrir leur faux. Ils ne viennent pas directement avec le faux, avec des choses qui le recouvrent en premier lieu. Et ils disent, mathalan, Allah dans le Coran, il dit telle chose. Et à un autre endroit, il dit telle chose. Donc comment cela? Comme s'il voulait faire apparaître une contradiction. Donc là, l'auteur, il reprend en disant, Anisham Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماه الله فاحذروهم. وهذا الحديث رواه يعني ومتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. Donc il dit qu'il fut rapporté de façon authentique du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qu'il a dit par rapport à ce verset cité précédemment que si tu vois ceux qui suivent justement les versets équivoques, alors ceux-là, ce sont ceux-là qui sont visés par ce verset que Allah a nommé comme étant, comme ayant une déviance dans le cœur, alors prends garde à ces gens-là. Prends garde à ces gens-là, le hadith, il est rapporté par Aïcha. Et cela rapporte l'histoire de cet homme qui venait à El-Médina et qui commençait à interroger les gens sur les versets Mutashabihat. Il allait voir à droite à gauche les gens pour leur dire, Allah subhanahu wa ta'ala qu'a des kaza. Allah subhanahu wa ta'ala qu'a des kaza. Tayyib, ala kana tat khalifat Omar, radiallahu anhu. Donc Omar, il rassembla les gens et il a entendu parler de cet homme. J'ai oublié son nom sur le moment, mais l'histoire elle est connue. Thumma ba'da hadha, quand les gens étaient réunis, en train de prendre leur achat, le dîner, il était parmi eux, cet homme qui cherchait les mutashabihat. Un homme dit Omar, ou plutôt Omar vient et demanda où est cet homme qui fait cela. Et il fut indiqué, c'est Fulain. Enfin Omar, il se rendit auprès de lui et se mit à le frapper avec un bâton. Il le frappa violemment, il le frappa. Après, il le saisit, il le fait mettre en prison. Sans dire quoi que ce soit. Par la suite, quelques temps après, il retourna dans la prison. Il sortit l'homme de la prison et le refrappa encore. Atteint de point qu'il en fit couler le sang. Il le frappa. Il le remit en prison. Sans rien lui dire. Puis plus tard, il le ressortit de prison pour le refrapper encore. Et là, cet homme lui dit, Ya Amir al Mu'minin. إن كنت أردت أن تقتلني فاقتلني لكن بالتي أحسن وإذا أردت أن يخرج أن تخرج ما في رأسي فقد خرج. Donc il lui a dit, يا عمر, si tu veux me tuer, alors tue-moi, mais de la bonne manière. Et si jamais tu veux faire sortir ce qui est dans ma tête, alors sache que cela est déjà sorti. C'est-à-dire que cet homme, sans qu'il n'ait eu à dire pourquoi il m'arrive ceci, cela, il a compris. Donc ça prouve que dans son cœur, il avait un zéhir. Il a compris. Donc de là, Omar l'exila et le renvoya dans sa contrée en le forçant à porter des vêtements particuliers pour qu'il soit reconnu par les gens pour dire c'est lui qui fait ceci et cela, donc prenez garde à celui-là. Vous voyez, prenez garde à celui-là. Et l'histoire, elle est maaloufa. J'ai oublié son nom, il est connu à cet homme-là, mais je l'ai oublié à ce moment. Donc pour vous dire que les gens qui ont une maladie dans le cœur, ils savent très bien. Des fois, ils disent pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ça, c'est parmi les russes des Moulabissines. Dès qu'ils sont dans une fitna, ils te font passer pour des gens innocents qui ne savent pas ce qui se passe, alors qu'ils savent très bien ce qui se passe. Et les gens qui les connaissent savent très bien pourquoi aussi. Ils se comportent comme cela avec eux, parmi les gens de la clairvoyance. Donc attention aux gens qui se plaignent souvent, car ils sont souvent amenés ou à poser plein d'ambiguïtés, car souvent ce sont des gens, ils savent très bien où est-ce qu'ils veulent en venir. ثم قال المؤلف بعد هذا مثال ذلك إذا قيل لك وإذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن شفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله وذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجوابه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابهات والمتشابه وما ذكرت لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. Donc il dit un exemple, un titre d'exemple, c'est l'auteur qui dit, si certains des mouchriquins te disent, c'est-à-dire la parole d'Allah dans le sens où il dit, n'est-ce pas que les approchés d'Allah, les alliés d'Allah, nulle peur sur eux, et nulle tristesse. Ils ne seront pas attristés, plutôt. D'ailleurs, que les aouliés, nulle peur sur eux, et pas de tristesse. Et que la shafa'a est une vérité. Et que les anbiya ont un grand rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, si tu as une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur laquelle il se base pour pouvoir argumenter le faux auquel il appelle. Et toi, tu ne comprends pas ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, tu ne vois pas son kalam, yani qu'il va dans le sens réel. Comme le chef va expliquer par la suite. Donc, ta réponse sera que Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans son livre que ceux qui ont une déviance dans le cœur délaissent les versets muhkam, c'est-à-dire ceux qui sont clairs et qui sont effectifs et qui sont des versets juges pour tous les autres qui se ressemblent, les versets équivoques. Et ce que je t'ai cité moi, c'est-à-dire l'auteur, que Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit que les mushrikoun reconnaissent al-rububiyya et que leur mécréance, c'est du fait qu'ils soient accrochés aux malaïka, aux anbiya et aux awliya. En disant, dans le sens où Allah dit, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc là, c'est une chose qui est claire et effective, et que personne, dont personne ne peut changer le sens. C'est-à-dire que ces mushrikoun, tayyib, ont la rububiya, ils y croient, mais que leur shirk était dans le fait de chercher la shafa'a et les intermédiaires. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله هذا أمر محكم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيف نرد المتشابه إلى المحكم أن المشركين كانوا مكرين بتوحيد الربوبية ويؤمنون بذلك إيمانا لا شك فيه عندهم ولكنهم يعبدون الملائكة وغيرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله مع هذا كانوا مشركين استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وهذا نص محكم دل على أن الله لا شريك له في ألوهيته وفي عبادته كما أنه لا شريك له في ربوبيته وملكه وأن من أشرك بالله في ألوهيته فهو مشرك وإن وحده في ربوبية. Donc ce que le Cheikh Al-Famine dit, que le Mu'allif nous a montré comment répondre aux versets équivoques cités par les mushrikoun, par les versets Mohkam, effectif et clair. Que justement, ces mushrikoun avaient rububiya, et cependant, quand même, ils ont mécru en adorant les anges et autres. Et en disant, ceux-là sont nos intercesseurs, en vrai les alika. Donc de là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rendu leur bien et leur sang licite. Ça, c'est une chose qui est claire, qui n'a aucune ambiguïté. Que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé dans son adoration. Tout comme il n'en a pas dans sa rububiya et dans son royaume. Et que celui qui associe Allah dans l'uluhiya est un mushrik, même s'il a unifié dans un rububiya. ثم قال المؤلف وما ذكرت وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. Donc après, là, l'auteur cite ta réponse à toi, ce mouchirik, en lui disant, ce que tu m'as dit là, ô toi le mouchirik, en utilisant le Coran et le hadith, le kalam du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, moi, je ne vois pas, je ne connais pas ce sens. C'est-à-dire le sens que toi, avec lequel tu vas, je ne connais pas ce sens. Cependant, j'affirme et je confirme que la parole d'Allah ne peut être contradictoire. Et que la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut s'opposer à la parole d'Allah. Car eux, ils viennent avec des choses mutashabihat qui s'opposent aux versets muhkam. Ils prennent des versets à équivoque. Ces versets à équivoque, eux, l'emploient dans un sens qui s'oppose aux versets muhkam. C'est pour ça que tu lui dis, moi, je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Toi, tu as compris ce qu'il dit, ces paroles. Mais dans le sens, toi, la façon dont tu exposes la chose, je ne la connais pas. Ce que je connais, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit telle et telle et telle chose. Voilà ce que je connais moi, et ces choses-là, elles sont claires dans le Coran. Et les choses avec lesquelles tu viens, toi, sont des choses qui sont, elles, mises hors contexte. Tu veux lui faire comprendre cela. Donc celui qui vient avec un verset, et ça c'est la façon de faire, par exemple, des khawarij, qui viennent avec des versets طيب فيها متشابهة أو أحاديث كذلك يوبلي الفرس principal qui le محكم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Que Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais il pardonne en dehors de celui-là à qui il veut. Ce verset, il est muhkam. Et il te démontre bien que Allah pardonne toutes choses, hormis le shirk. Et que quand bien même, tu ne fais pas à tawba ce qui est en dehors du shirk, Allah peut te pardonner. Intatart al-Mashi'a. Ce verset, il est muhkam. C'est un osl. Il vient avec d'autres versets, comme مثلاً في قول الله عز وجل بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثلاً. Dans le sens où Allah est dit, celui qui aura commis une mauvaise action et qui sera entouré par les mauvaises, ceux-là sont les gens du nar, du feu, ils seront éternellement. Donc ils regardent. Allah qala, wa man kasaba sayyi'atan, celui qui aura commis une mauvaise action. Donc il dit, c'est quoi? Là, les ulama, ils ont bien expliqué que justement, en revenant au Mourkam, ce verset est obligé d'interpréter par cette sayyi'a citée dans ce verset, c'est le shirk. Toi-même, c'est le shirk. Et tous les ahadiths qui vont dans ce sens-là, qui démontrent que Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir, quand même, et les versets de la shafa'a, que Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir du feu des gens qui ont commis énormément de péchés et qui n'auront fait aucun acte de bien en apparence ou de façon continue. Wa yadhalika, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour sa communauté parmi les gens des kaba'ir qui ont été des muwahidin yawm al-qiyam. Ça, ce sont des choses muhkamat. Des versets et des hadiths qui sont des usul. On ne peut arriver avec des choses, d'autres hadiths qui en apparence s'y opposent, et ce hadith en apparence qui s'oppose est à interpréter, il sera expliqué par le muhkam. طيب. بعد هذا قال المؤلف وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به ولا تستهن به فإنه كما قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Donc ça, c'est une bonne réponse à lui donner. Cependant, ne comprend que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le tawfiq. Comme Allah le dit, dans le sens où il dit, et seulement ne comprennent ceux qui ont patienté, et seulement ne comprennent ceux qui ont une grande grâce. On dira comme ça. C'est-à-dire qu'on était bien choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. فقال الشيخ العثيمين تعليقا على هذا الكلام قوله هذا جواب جيد صديد يعني قول الإنسان لخصمه أن كلام الله تعالى لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخالف كلام الله. Donc il veut dire quoi? C'est quoi la bonne réponse? C'est de dire à la personne, à ton opposant, ce qui vient avec des choses à équivoque, tu lui dis mais de toute façon la parole d'Allah ne sont pas contradictoires, ne s'opposent pas les unes aux autres, et celle du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم ne s'oppose pas à celle d'Allah. Donc le wajib, rad al-mutashabih, il est le muhkam. Tu es obligé de revenir au verset équivoque, au verset effectif et clair. Donc ça, c'est une bonne réponse. Quand quelqu'un vient avec une chose, tu lui réponds cela. Quand liyanna kalam muhkam, liyannahu kalam muhkam, mabniyun ala dalilayn, al-sama'i wal-aqli. وما كان كذلك فإنه جواب لا يمكن لأي مبتل أن ينقضه. Il dit car le kalam muhkam, il est bâti sur deux choses. Sama'i, c'est-à-dire les choses qui sont liées au texte, et akli, les choses qui sont liées à la raison. Des choses basées sur des textes, et des choses basées sur la raison. C'est-à-dire que la raison est conforme et s'adapte parfaitement au texte. Et cette réponse-là, personne ne peut la réfuter. Quand même, à part peut-être un gros obstiné qui refuse, que tu dirais, ça fait deux, il te dit un, ça fait sept. Mathalan. Des gens comme ça, on prend pas en considération leur parole. Et là, regardez bien, ça revient à ce qu'on disait la dernière fois, que le fait que la personne n'ait pas compris alors que tu as donné une réponse claire, cela ne sera pas une excuse pour lui. Allez, comme le dit l'auteur, ça c'est une bonne réponse. Cependant, ne la comprend que celui à qui Allah a accordé le tawfiq. Donc toi, ne te soucie pas de ces gens-là. Ça prouve bien que même celui qui n'a pas compris, qui dit « je n'ai pas compris » alors que tu as donné une réponse claire, alors là, le fait de dire qu'il n'a pas compris ne sera pas une excuse pour lui au Mekriyama, car ta réponse a été claire et limpide. C'est lui qui n'a pas été mouafak pour la comprendre, ou qui n'a pas voulu la comprendre. Donc là, aujourd'hui, on a appris que, pour répondre aux gens du Batil, il y a deux façons. La façon moujmel, c'est-à-dire, en premier lieu, tu feras une réponse globale et générale, une réponse globale et générale qui répond à toutes les questions ensemble. Et par la suite, Jawab al-Mufassal, une réponse détaillée qui répond à chaque point, les uns après les autres. Et par le, dans le prochain vers, Inch'Allah, on entre dans Al-Jawab al-Mufassal. Inch'Allah ta'ala. فبهذا نكتفي ونقول الحمد لله رب العالمين.